Chapitre 3e, en route. Par le Pacific Canadian Railway, touristes, commerçants, immigrants, chercheurs d'or à destination du Klondike peuvent se transporter directement sans changer de ligne, sans quitter le Dominion, de Montréal à Vancouver. Débarqués dans cette métropole colombienne, il leur reste à choisir entre différentes routes, terrestres, fluviales ou maritimes, et à combiner les divers modes de transport possibles, bateaux, chevaux, voitures, plus le mode pédestre dans la majeure partie du parcours. Le départ étant résolu, Sam et Skim n'auraient qu'à s'en rapporter pour tous les détails du voyage, l'acquisition du matériel, le choix des routes, à son cousin Ben Radle. Ce serait proprement refaire de cet ambitieux mais intelligent ingénieur, seul promoteur de l'entreprise, à qui on reviendrait et qui en acceptait toutes les responsabilités. En premier lieu, Ben Radle observa très justement que le départ ne pouvait être retardé. Il importait que les héritiers de Josias Lacoste fussent rendus au Klondike au début de l'été, un été qui ne réchauffe que pendant très peu de mois cette région hyperboréenne, située à la limite du cercle polaire arctique. En effet, lorsqu'il consulta le Code des lois minières canadiennes, applicable au district de Yukon, il élut un certain article 9 ainsi conçu. Tout claim retournera au domaine public, qui restera sans être creusé pendant 15 fois 24 heures, durant la belle saison, définie par le commissaire, à moins d'une permission spéciale de ce dernier. Or, le début de la belle saison, pour peu qu'il soit précoce, se fait dans la seconde moitié de mai. Donc, à cette époque, si l'exploitation du claim 129 chômait plus de 15 jours, la propriété de Josias Lacoste reviendrait au Dominion et très vraisemblablement, le syndicat américain ne manquerait pas de signaler à l'administration tout motif de déchéance de la propriété qu'il convoitait. « Tu comprends, Sammy, » déclara Ben Radle, « qu'il ne faut pas nous laisser devancer. »« Je comprends tout ce que tu veux que je comprenne, mon cher ami, » répondit Sammy Skin. « D'autant plus que j'ai parfaitement raison, » ajouta l'ingénieur. « Je n'en doute pas, Ben. D'ailleurs, je ne répugne en aucune façon à quitter Montréal tout de suite, si cela doit nous permettre d'y revenir plus tôt. Nous ne serons au Klondike que le temps nécessaire, Sammy. » « C'est entendu, Ben. À quelle date le départ ?»« Le 2 avril, » répondit Ben Radle, « dans une dizaine de jours. » Sam et Skim, les bras croisés, la tête penchée, eut fort envie de s'écrier « Quoi, si tôt ?» Mais il se tut, puisque gémir n'eût servi à rien. Au surplus, Ben Radle agissait sagement en fixant le 2 avril comme date extrême du départ. Son itinéraire sous les yeux, il s'embarqua dans une série d'observations hérissées de chiffres qu'il maniait avec une incontestable compétence. « Pour nous rendre au Klondike, dit-il, nous n'avons pas à choisir entre deux routes puisqu'il n'y en a qu'une. Peut-être un jour ira-t-on rejoindre le Yukon en passant par Edmonton et le Fort Saint-John et en suivant la Peace River qui traverse au nord-est de la Colombie le district du Cassia. Une contrée giboyeuse s'il en fut, ai-je entendu dire. » interrompit Sam et Skim, s'abandonnant à ses rêves cinégétiques. « Au fait, pourquoi ne pas suivre ce chemin ?»« Parce qu'il nous faudrait, en quittant Edmonton, faire 1400 kilomètres par terre, à travers des régions à peu près inexplorées. »« Alors, quelle direction comptes-tu adopter, Ben ?»« Celle de Vancouver, sans aucun doute. »« Voici des chiffres très exacts qui te fixeront sur la longueur de l'itinéraire. »« De Montréal à Vancouver, on compte 4675 kilomètres, et de Vancouver à Dawson City, 2429. Soit au total, dit Sam et Skim en chiffrant l'opération 5 et 9, 14, je retiens 1, 8 et 8, 16, je retiens 1, 7 et 4, 11, je retiens 1, 5 et 2, 7, soit 7164 kilomètres. Exactement, Sammy. Eh bien, Ben, si nous rapportons autant de kilogrammes d'or que nous aurons fait de kilomètres, cela vaudra, au taux actuel de 2340 francs le kilogramme, 16 753 760 francs. Pourvu, murmura Sammy Skim entre ses dents, que nous rapportions seulement les 760 francs. Tu dis, Sammy? Rien, mon cher Ben, absolument rien. Une telle somme, reprit Ben Radle, ne me surprendrait pas. Le géographe John Mean N'a-t-il pas déclaré que l'Alaska produirait plus d'or que la Californie, dont le rendement était pourtant de 405 millions, rien que dans l'année 1861? Pourquoi le Klondike n'ajouterait-il pas sa bonne part aux 25 milliards de francs qui composent la fortune aurifère de notre globe? Ça me paraît extrêmement probable, approuva Sammy, avec une sage prudence. Mais, Ben, il faut songer aux préparatifs. On ne s'en va pas là-bas dans ce pays invraisemblable en n'emportant qu'une chemise de rechange et deux paires de chaussettes. Ne t'inquiète de rien, Sammy, je me charge de tout. Tu n'auras qu'à monter dans le train à Montréal pour en descendre à Vancouver. Quant à nos préparatifs, ce ne seront pas ceux de l'émigrant qui, errant à l'aventure dans une contrée lointaine, est obligé d'avoir un matériel considérable. Le nôtre est tout rendu. Nous le trouverons sur le claim de l'oncle Josias. Nous n'avons à nous occuper que du transport de nos personnes. Et c'est quelque chose, s'écria Cyrus Smith. Elle vaut la peine que l'on prenne certaines précautions, surtout contre le froid. Bon, je me sens déjà gelé jusqu'au bout des ongles. Allons donc, Sammy, lorsque nous arriverons à Dawson City, la belle saison battra son plein. Mais la mauvaise reviendra. Sois tranquille, répondit Ben Radel. Même l'hiver, tu ne manqueras de rien. Bon vêtement, bonne nourriture, tu reviendras plus gras qu'au départ. Ah non, je n'en demande pas tant, protesta Sammy Smith, qui avait pris le parti de se résigner. Je te préviens que si je dois engraisser seulement de 10 livres, je reste. Plaisante, Sammy, plaisante tant que tu voudras, mais aie confiance. Oui, la confiance est obligatoire. Il est donc entendu que le 2 avril, nous nous mettrons en route en qualité d'Eldorador. Oui, ce délai me suffira pour nos préparatifs. Alors, Ben, puisque j'ai une dizaine de jours devant moi, j'irai les passer à la campagne. À ta guise, approuva Ben Radel, bien qu'il ne doive pas encore faire beau à Green Valley. Cyrus Smith aurait pu répondre qu'en tout cas, ce temps-là vaudrait celui du Klondike. Mais il préféra s'abstenir et se contenta d'affirmer qu'il aurait grand plaisir à se retrouver pendant quelques jours au milieu de ses fermiers, à revoir ses champs, même blancs de neige, les belles forêts toutes chargées de givre, les rios cuirassés de glace, et la masse solidifiée des embâcles du Saint-Laurent. Et puis, par les grands froids, l'occasion ne manque point aux chasseurs d'abattre quelques superbes pièces, poils ou plumes, sans parler des fauves, ours, pumas ou autres, qui rôdent aux environs. C'était comme un adieu que Sammy Skim voulait adresser à tous les hôtes de la région. « Tu devrais m'accompagner, Ben, » dit-il. « Y penses-tu ? » répondit l'ingénieur. « Et qui s'occuperait des préparatifs de départ ?» Dès le lendemain, Sammy Skim prit le chemin de fer, trouva la gare de Green Valley un stage bien attelé, et dans l'après-midi descendit à la ferme. Comme toujours, Sammy Skim se montra très sensible à l'affectueux accueil qu'il y reçut. Mais lorsque les fermiers connurent le motif d'une si précoce visite, lorsqu'ils apprirent que tout l'été se passerait sans que leur maître fût avec eux, ils ne cachèrent point le chagrin que leur causait cette nouvelle. « Oui, mes amis, » dit Sammy Skim, « Ben Radel et moi, nous allons au Klondike, un pays du diable, qui est à tous les diables, si loin qu'il ne faut pas moins de 2 mois, rien que pour y arriver et autant pour en revenir. » Et tout ça pour ramasser des pépites, dit un des paysans haussant les épaules. « Quand on en ramasse, » ajouta un vieux philosophe qui secoua la tête d'un air peu encourageant. « Que voulez-vous, mes amis ?» dit Sammy Skim. « C'est comme une fièvre, ou plutôt une épidémie, qui de temps en temps traverse le monde et qui fait bien des victimes. « Mais pourquoi s'en aller là-bas, notre maître ?» demanda la doyenne de la ferme. Et alors Sammy Skim d'expliquer comment son cousin et lui venaient d'hériter d'un claim après la mort de leur oncle Josias Lacoste, et pour quelle raison Ben Radel estimait leur présence nécessaire au Klondike. « Oui, reprit le vieux. Nous avons entendu parler de ce qui se passe à la frontière du Dominion, et surtout des misères de tant de pauvres gens qui succombent à la peine. Enfin, monsieur Sammy, il n'est point question que vous restiez dans ce pays. Et lorsque vous aurez vendu votre tas de boue, vous reviendrez. » « Croyez-le bien, mes amis. Mais en attendant, 5 à 6 mois s'écouleront, et la belle saison en sera à son terme. C'est un été que je vais perdre. Et été perdu, hiver plus triste encore. » ajouta une vieille qui se signa et dit « Dieu vous protège, notre maître. » Après une semaine passée à Green Valley, Sammy Skim pensa qu'il était temps de rejoindre Ben Radel. Ce ne fut pas sans émotion, une émotion partagée de tous, qu'il prit congé de ces braves gens. Et songez que dans quelques semaines, le soleil d'avril se lèverait sur l'horizon de Green Valley, que de toute cette neige sortiraient les premières verdures du printemps, que sans ce maudit voyage, il serait revenu, comme il le faisait chaque année, s'installer dans ce pavillon jusqu'au retour des premiers froids de l'hiver. Pendant ces 8 jours, il avait confusément espéré qu'une lettre de Ben Radel arriverait à Green Valley et lui apprendrait qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à leur projet. Mais la lettre n'était pas venue. Rien n'était changé. Le départ s'effectuerait à la date fixée. Aussi, ce Meskim dut-il se faire conduire à la gare, et le 31 mars, dans la matinée, il était à Montréal en face de son terrible cousin. « Rien de nouveau ?» demanda-t-il en se plantant devant lui comme un point d'interrogation. « Rien, Sammy, si ce n'est que nos préparatifs sont achevés. Ainsi, tu t'es procuré tout, sauf les vivres que nous trouverons en route, » répondit Ben Radel. « Je ne me suis occupé que des vêtements. Quant aux armes, tu as les tiennes, j'ai les miennes. Deux bons fusils dont nous avons l'habitude et l'équipement complet du chasseur. Mais comme il n'est pas possible de renouveler là-bas sa garde-robe, voici les divers objets d'habillement que nous emportons chacun par prudence. Chemise de flanelle, camisole et caleçon en laine, jersey et pétricot, costume de velours à côtes, pantalon de gros drap et pantalon de toile, costume de toile bleu, veste de cuir avec fourrure en dedans et capuchon, vêtements imperméables de marin avec coiffure idem, manteau en caoutchouc, 6 paires de chaussettes ajustées et 6 paires de chaussettes de numéro plus grand, mitaines fourrées, gants de cuir, bottes de chasse à gros clous, mocassins à tiges, raquettes, mouchoirs, serviettes. Hey, s'écria ce Meskin en levant les yeux vers le ciel. Veux-tu donc créer un bazar dans la capitale du Klondike? En voilà pour 10 ans. Non, 2 seulement. Seulement, répéta Sammy. Seulement est tout bonnement épouvantable. Voyons, Ben, il ne s'agit que d'aller à Dawson City, de céder le Klim 129 et de revenir à Montréal. Il ne faut pas 2 ans pour cela, que diable! Sans doute, Sammy, si on nous donne du Klim 129 ce qu'il vaut. Et si on ne nous le donne pas, nous aviserons Sammy. Dans l'impossibilité d'obtenir une autre réponse, Sammy Skin n'insista pas. Le 2 avril, dès le matin, les deux cousins étaient à la gare où leurs bagages avaient été transportés. Cela ne formait pas un grand volume au total, et leur matériel de prospecteur ne deviendrait véritablement un embarrassant impedimentum qu'après avoir été complété à Vancouver. Si, avant de quitter Montréal, ils se fussent adressés à la compagnie du Canadian Pacific, les voyageurs auraient pu prendre des billets de steamer pour Skagway, mais Ben Radel n'avait pas encore décidé quelle voie il suivrait pour gagner Dawson City, la route maritime et fluviale qui remonte le Yukon, depuis son embouchure jusqu'à la capitale du Klondike, ou la route terrestre qui, au-delà de Skagway, se déroule à travers les montagnes, les plaines et les lacs de la Colombie-Britannique. Ils étaient donc enfin partis, les deux cousins, l'un entraînant l'autre, celui-ci résigné, celui-là plein de confiance, mais au demeurant, tous deux confortablement installés dans un excellent Pullman car. Car bien le moins que l'on veuille avoir toutes ses aises, lorsqu'il s'agit d'un voyage de 4700 km, dont la durée est de 6 jours entre Montréal et Vancouver. En quittant Montréal, le train traverse cette partie du Dominion qui comprend les districts variés de l'Est et du Centre. C'est seulement après avoir dépassé la région des Grands Lacs qu'il entre dans une contrée moins populeuse et parfois déserte, surtout aux approches de la Colombie. Le temps était beau, l'air vif, le ciel voilé de légères brumes. La colonne thermométrique oscillait autour de 0. À perte de vue se développaient les plaines toutes blanches qui, dans quelques semaines, deviendraient verdoyantes et dont les multiples rios seraient dégagés de glace. De nombreuses troupes d'oiseaux, devançant le train, se dirigeaient vers l'ouest à grands coups d'ailes. De chaque côté de la voie, sur la couche de neige, on pouvait relever des empreintes d'animaux jusqu'aux forêts de l'horizon. Voilà des pistes qu'il eût été aisé de suivre et qui eussent mené à quelques beaux coups de fusil. Mais il était bien question de chasse à présent. S'il y avait des chasseurs dans ce train en marche sur Vancouver, ce n'étaient que des chasseurs de pupitres, et les chiens qui les accompagnaient n'étaient point dressés à l'arrêt des perdrix ou des lièvres, ni à la poursuite des daims ou des ours. Non, simples bêtes de trait. Leur destin était de tirer les traîneaux sur la glace solidifiée des lacs et des cours d'eau, dans cette partie de la Colombie comprise entre Skagway et le district de Klondike. La fièvre de l'or n'était à vrai dire qu'à son début, mais des nouvelles arrivaient constamment, annonçant la découverte de nombreux gisements sur l'Eldorado, la Bonanza, le Hunter, le Bear, le Gold Bottom et tous les affluents de la Klondike River. On parlait de claims où le prospecteur lavait jusqu'à 1500 fonds d'or au plat. Aussi, l'affluence des émigrants ne cessait-elle pas de s'accroître. Ils se jetaient sur le Klondike, comme ils s'étaient jetés sur l'Australie, la Californie, le Transvaal, et les compagnies de transport commençaient à être débordées. D'ailleurs, ceux qu'emportait ce train, ce n'étaient point des représentants de sociétés ou de syndicats formés avec l'appui des grandes banques de l'Amérique ou de l'Europe. Ceux-là, pourvus d'excellents matériels, largement ravitaillés en vêtements et en vivres par des services spéciaux, peuvent n'avoir aucune crainte de l'avenir. Non, il n'y avait là que de ces pauvres gens en proie à toutes les rigueurs de l'existence, que la misère chasse de leur pays, qui peuvent tout risquer, n'ayant rien à perdre, et dont, il faut bien l'avouer, l'espoir de quelques coups de fortune trouble la cervelle. Cependant, le train de la transcontinentale courait à toute vapeur. Smith Skim et Ben Radle n'auraient pas pu se plaindre du manque de confort au cours de ce long voyage. Un drawing room à leur disposition pendant la journée, un bedroom pour y passer la nuit, un smoking room où ils pouvaient fumer à leur aise comme dans les meilleurs cafés de Montréal, un dining room où la qualité des mets et le service ne laissaient rien à désirer, un wagon-bain, s'ils voulaient se baigner en route. Mais tout cela n'empêchait pas Smith Skim de soupirer en pensant à son pavillon de Green Valley. En 4 heures, le train eut atteint Ottawa, la capitale du Dominion, qui, du haut d'une colline, domine la contrée environnante, cité superbe, dont la prétention plus ou moins justifiée est d'occuper le centre du monde. Au-delà, près du Carlton Junction, on aurait pu apercevoir sa rivale, Toronto, l'ancienne capitale aujourd'hui détrônée. Courant alors directement vers l'ouest, le train gagna la station de Sudbury, où la ligne se divise en 2 branches, contrée enrichie par l'exploitation des mines de nickel. Ce fut la branche nord qui fut suivie pour contourner le lac supérieur et aboutir à Port Arthur, près de Fort William, à Heron Bay, à Schreiber et à toutes les stations du vaste lac. L'arrêt avait été assez long pour que les 2 cousins puissent, s'ils l'avaient désiré, se rendre compte de l'importance de ces ports en eau douce. Puis, par bonheur, Ignace, Eagle River, à travers une région dont les mines font la fortune, ils arrivèrent à l'importante cité de Winnipeg. C'est bien là qu'en d'autres circonstances une halte de quelques heures eût paru trop courte à Smith Skim, désireux de garder au moins un souvenir de son voyage. S'il n'eût pas été hypnotisé par le Klondike, sans doute eût-il volontiers consacré un jour ou deux à visiter cette cité de 40 000 habitants et les villes avoisinantes de Western Canada. Malheureusement, Smith Skim n'était pas en état de s'intéresser à ces contingences. Le train reprit donc ses voyageurs, véritables colis humains pour la plupart, qui ne voyageaient pas pour leur plaisir, mais pour arriver à destination par le plus vite et par le plus court. C'est en vain que Ben Radle essaya de réveiller l'attention du copropriétaire de Green Valley. « Tu ne remarques pas, Semi, suggéra-t-il, avec quelle perfection toute cette contrée est cultivée ?»« Ah !» fit mollement Semi Skim. « Et quelles immenses prairies elle possède ! Les buffles y fréquentent, dit-on, par milliers. Voilà une belle chasse, Semi. »« Assurément, » concéda Semi Skim sans la moindre aménité. « J'aimerais mieux passer ici 6 mois et même 6 ans que 6 semaines au Klondike. »« Bah, s'il n'y a pas de buffles environ de Dawson City, » répliqua Ben Radle en riant, « tu te rattraperas sur les orignaux. » Regina City dépassé, le train se dirigea vers la Coronio Pass des montagnes rocheuses, puis vers les frontières de la Colombie-Britannique, après avoir stationné pendant quelques heures à Calgary City. C'est de cette ville que se détache, vers Edmonton, où cesse la ligne ferrée, un embranchement que prennent quelquefois les émigrants pour se rendre au Klondike. En passant par Peace River et Fort St. John, puis par Dease, Francis et Pelly Rivers, cette route relie le nord-est de la Colombie au Yukon à travers le district du Cassiar, si célèbre au point de vue cynégétique. C'est une route de chasseurs, que Smith Skim eût certainement préférée, s'il avait été là pour son plaisir. Mais, difficile et longue, elle oblige le voyageur à des ravitaillements fréquents sur un parcours qui excède 2000 km. Il est vrai, cette contrée est particulièrement aurifère. On peut laver dans presque tous ses cours d'eau. Malheureusement, elle est dénuée de ressources et ne deviendra praticable que le jour où le gouvernement canadien y aura établi des relais de 15 en 15 lieues. Pendant la traversée des Rocheuses, il fut loisible aux voyageurs d'entrevoir ces montagnes orgueilleuses éternellement coiffées de leurs calottes de neige. Au milieu de ces solitudes glacées, régnait le silence of all life, que troublait seul le halètement de la locomotive. À mesure que le train gagnait vers l'ouest, des régions s'ouvraient devant lui, non point riches en terres fertiles, auquel le travail assure les beaux rendements d'un sol que la production n'a pas encore épuisé. Non, c'était des territoires de Kootaway, ces goldfields du caribou, où l'or fut rencontré et se rencontre abondamment encore tout ce réseau hydrographique qui roule des paillettes du précieux métal. Il y avait même lieu de se demander pourquoi les prospecteurs ne fréquentaient pas plus assidûment un pays qu'il était aisé d'atteindre, au lieu d'affronter les fatigues d'un lointain voyage au Klondike, sans parler des dépenses excessives qu'il exige. « En vérité, fit observer ce Meskin, c'est bien dans ce caribou que l'oncle Josias aurait dû venir tenter la fortune. Nous serions arrivés maintenant. Ce qu'aurait valu son exploitation, nous le saurions à l'heure présente. Nous en aurions fait argent dans les 24 heures, et notre absence n'aurait pas duré plus d'une semaine. » Ce Meskin avait raison. Mais il était sans doute écrit sur le grand livre de sa destinée qu'il s'aventurerait jusqu'à cette terrifiante région du Klondike et pataugerait dans les boues du Forty Miles Creek. Et c'est pourquoi le train continuait sa route, entraînait ce Meskim toujours plus loin de Montréal et de Green Valley, l'emportait vers la frontière littorale de la Colombie, et finalement, sans qu'aucun incident eût troublé le voyage, le déposait, le 8 avril, à côté de son cousin Ben Radle, sur le quai de la gare de Vancouver.